Frank. Come on, one more time. Ha ragione su suggestione. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de punk sky hardcore francophone qui diffuse tous les semaines à partir de souspressionpunk.com. À la radio, au CHU 89,1 à Ottawa et au Yellowknife, CVR 103,5 FM. L'émission est enregistrée à Ottawa. Ottawa, territoire algonquin non cédé. Moi, c'est Mathieu. Je vais être avec vous pendant environ 60 minutes. Et cette semaine, on va se lancer directement dans la musique. J'ai pas trop grand chose à dire. J'ai le goût d'écouter du skate punk québécois de début des années 2000. Alors, on va écouter du Eric Panic. De leur album Catharsis, le morceau La voiture en diamblé. Voici du Rick Panic, on commence ça cette semaine avec ça, à sous pression. On fait la course contre la montre, on accélère sans trop s'en rendre compte, sans pouvoir s'arrêter, les freins sont sabotés, on est mal pris, comme pris au piège de la folie, de vrais zombies. Posant des gestes irréfléchis, ce n'est que l'on construit contre de toute notre énergie, de pédaler dans le tapis. On fait l'autruche sans se gêner, on pense que je vais t'en même regarder, le temps est trop cher payé, on ne peut le donner. On file à 1000 km/h, sans même apprendre de nos erreurs. L'imagination est abolie, on se laisse transporter, nul besoin de penser, pour faire semblant de bien comprendre, mais sans tout savoir à quoi ça tombe, le jeu est compliqué, avec l'âme éternité, que on est pilote dans un grand prix, jamais de fini. Reprenons tout son champlé, le plus content. content de vous voir enfin, monsieur le contrôleur. Ça fait des mois que je vous attendais. Content de devoir payer l'amende, monsieur le contrôleur. Je paierais des millions si je les avais. Depuis le temps que je prends tous les bus sans jamais les payer, car je pousse les lignes jusqu'à terminus sans pouvoir embarquer. Je commençais à douter de votre aide. Je commençais à douter. Mais si je peux me le permettre, monsieur le contrôleur, qu'allons-nous faire de tous les voyages que je n'ai pas payé, monsieur le contrôleur? Avouez que ce serait dommage que pendant tout ce temps, moi j'ai pris tous les bus sans qu'on me le fasse payer, que j'ai atteint mille fois le terminus sans qu'on me le fasse payer, sans qu'on me le prendre à vos pieds, de marchausser sans qu'on me le prendre à vos pieds. À moi qu'on me porte tout court, à moi qu'on me porte au écours. Ça m'arrangerait, ça me débarrasserait des voyages en bus. Et alors vous n'oublierez pas, monsieur le contrôleur, de saluer votre épouse de ma part, puis de passer voir ma mère et de lui préciser que vous seriez mérité, que vous seriez mérité, que vous seriez mérité. Salut, on vient d'écouter du Ayoka de leur album État des lieux. On a écouté le morceau Yes Future du Justine avant ça, de leur album 06-72-43-58-15. Le morceau France Fanon, c'est un peu un hommage aux militants et aux penseurs anticolonial à France Fanon. Scrap avant ça avec un morceau Scrap de leur album Grand Talent, Pas d'Adon, Pas en Tout. Zabriskie Point avec Monsieur le Contrôleur. Avant ça, on a écouté du Poésie Zéro, le morceau Constamment Soucé, Capable avec le morceau Société de Problèmes, tiré de leur hippie du même titre. Et on a commencé le bloc avec du Eric Panique de leur album Catharsis, le morceau La Voiture Endiablée. Alors là, on va continuer en musique, on va continuer avec du Bromure. Le groupe a sorti leur premier album, je crois que c'était vraiment à la fin de décembre 2018 qu'ils ont sorti ça. Je vais faire jouer le morceau pour eux, alors c'est ça, je vais faire écouter ça, peut-être du squelette après, puis peut-être de sambas après ça, puis d'autres stuff. En tout cas, Bromure pour eux à sous pression. domicile, commence un terrain très hostile. Les pédophiles et les nazis, les djihadistes et les bandits, les anars et les reptiliens, les maos et les crèves d'enfin. Ils en ont tous après ma gueule, les cosmétiques. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On a commencé le dernier bloc avec du Bromure de leur album éponyme, le morceau pour eux. Squelette après ça de leur plus récente EP qui vient de sortir il y a quelques semaines, c'était le morceau Héritage. De Sambas après ça de leur EP No Pride, No Shame, on a écouté le morceau La Ville en Bleu. Et on vient de terminer avec du Collision de leur démo La vie s'échappe, sorti plus tôt cette année. C'était le morceau Dans la glace. Alors là, comme je fais toutes les semaines, quand on est rendu à la mi-chemin de l'émission, je vais faire un rappel que vous pouvez trouver Sous Pression un peu partout sur l'internet, notamment sur Facebook, facebook.com/sous-pression, ou bien faites une recherche pour Sous Pression, vous allez trouver ça. Il y a aussi le courriel info@commercialsouspressionpunk.com. Et c'est ça, là on va continuer en musique avec le bloc sono mondial, le moment où à chaque semaine on sort de la francophonie. Et cette semaine je vais faire jouer un groupe de la Colombie que j'ai déjà fait jouer en onde dans le cadre du bloc sono mondial. Excellent groupe de Bogota, le groupe Dead Hero. Je vais faire jouer deux chansons de leur album La Vida Continua. On va écouter le morceau Por Siempre et La Vida Continua. Excellent groupe, alors c'est ça, je vais vous faire jouer ça, Dead Hero à Sous Pression. We'll be right back. C'est The Dead Hero avec Por Siempre et La Vida Continua. On continue maintenant avec du Jonas Apatride de leur album L'Arme au Poing. On écoute le morceau La Fin d'une Époque. Hey! Yeah. Yes. Retourne en rond. À l'éternel recommencement. Deux pas à l'arrière, puis un en avant. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, mais notre temps ensemble tire à sa fin. Mais avant de vous laisser avec un dernier morceau, je vais faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. On a tout commencé avec du Jeunesse Apatride, le morceau La fin d'une époque, tiré de leur album L'Arme au poing. Action Sétion, après ça, de leur split avec le groupe italien Bull Brigade. La misère aujourd'hui. Alors, on écoutait le morceau Sous la branche d'Olivier. Dur cœur après ça avec Cœur dur. Enfant sauvage de leur album Crève ton cœur. On écoutait le morceau Casse. Et Gerbia de leur album Lâche l'école. Médiocrité sans frontières. C'est ce qu'on écoutait. On vient d'entendre du Hors contrôle. C'était le morceau La vie était moins moche de leur album L'union fait la force. Le groupe Hors contrôle ont sorti un nouvel album récemment. Ça s'appelle Les couleurs dans le temps. J'ai pas eu la chance de l'écouter, mais je vais l'écouter bientôt parce que c'est disponible en écoute libre sur le web, sur Spotify, etc., d'autres endroits. Et vous pouvez l'acheter à partir de leur site web. Mais je vais l'écouter et puis j'essaie de me le procurer pour qu'on puisse en faire passer en onde. Mais entre-temps, on va se laisser pour cette semaine. Je vous laisse avec un dernier morceau par Brutal Chérie de leur album Antisocial et Brutal. On écoute le morceau Mauvais Sang. Alors, on vous laisse avec ça. Passez une excellente semaine. À la semaine prochaine.